Je fais l'esquisse d'un monde meilleur dans mon esprit. Je sais que ce monde meilleur n'existera jamais, oui. À part opératique, même dans mes rêves, je ne vois jamais cette esquisse finie. Il y a toujours un problème qui survient, mon esquisse s'estompe dans le lointain. La vie n'est pas compliquée, c'est l'homme qui la complique. Si l'on voit les gens souffrir de neurasthénie, c'est à cause des foutaises, des niaiseries et son entourage, de toute la cruauté que l'on génère, de toutes les espiègleries, de ceux qui prennent la jalousie pour monter des amis en ennemis. Prenez un bout d'histoire, prenez cette histoire. Quel point un essor qui se développe en une tragédie. J'espère qu'aujourd'hui, je me délivrerai des chaînes d'emprisonnement qu'il y a de l'intérieur de mon esprit. Qui sont les soucis de ce monde obscurci. Viennent les nuits, sonnent l'heure, les jours s'en vont. Et je demeure prisonnier. Malsaine, le mal de vivre ou l'envie de survivre dans un milieu hostile où les rues brûlent de toutes sortes de deals. Les premiers refourguent leur calotte, d'autres revendent leur corps pauvre sotte. Je n'arrête pas de réprimander mes amis qui se lâchent Scarface dans leur caisse. Se retrouveront dans une caisse en bois, six pieds sous terre. Réfléchis avant de faire ce choix. Y'a combien d'amis j'ai vu quitter ce monde? Combien sont-ils à voir les veines saines? Ma peine est telle que j'ai une amertume contre cette société et j'assume. Je serai prisonnier de ce monde obscurci. Prisonnier de ce monde rempli de tragédies. À jamais prisonnier, prisonnier de ce monde obscurci. Viennent les nuits, sonnent l'heure, les jours s'en vont. Et je demeure prisonnier. Ça n'existe plus. Je suis con dans cette atmosphère. Je ne sais plus quoi faire. Je plonge, mais dans quelle galère? Les portes s'ouvrent, je découvre. Pas de vie belle, pas de merveille. Pour m'accueillir, juste une meute de chiens enragés qui veulent me garder prisonnier. Leur seul souhait, que je ne puisse plus m'échapper. Les portes se referment sur moi. Non, je ne rêve pas. Sortir de là, ha, je n'y arriverai pas. Le monde obscurcit, viens le constater. L'ambiance est différente du monde de Walt Disney. Personne n'est heureux, personne mène une vie aisée. Tâche de ne pas l'oublier. Les pensées malsaines ont pris les rênes de la rue. Si un jour tu penses avoir repris le dessus, ne te réjouis pas, car autour de toi, les vautours sont là pour te ramener au plus bas. Viennent les nuits, sonnent l'heure, les jours s'en vont. Et je te